J'avais tellement adoré les films des bronzés. Je me souviens très bien avoir vu le premier de la série avec des amis. Et puis ensuite, les bronzés font du ski pendant des vacances d'hiver avec mes cousins. Ce sont des répliques cultes pour ma génération. Mais alors, les bronzés 3, un navet. C'est nul, mais vraiment nul, nul, nul. J'étais allée le voir avec des amis et nous étions tous du même avis. C'est une perte de temps. Le scénario, le jeu des acteurs, les répliques. Je n'ai pas du tout rigolé, mais surtout, j'étais très déçue. Je ne me souviens même plus du titre. Les bronzés, les bronzés... Ah oui, les bronzés, amis pour la vie, tiens.